Dele la folie, dele le grosse de sa grâce. Qu'elle me croise des bêtes mènes, soit amie de qui on a su des épatés d'enfantasse. Ingénie, c'est leur nom de la folie, dele le grâce, de sang, de sang, de la sublime. Dele le dali sang, dele le dali la sublime, et le temps est de sang, et c'est dali là-dessus. Dele la folie, dele le grâce de sa grâce, le Dieu est sa mort. Folie, des gracieux, des sagaces, des jeux, de la folie, des gracieux, des sagaces, des jeux. Yeah, that free.